Chapitre 7e, les foins. Dans la grange, tout en jetant un œil sur la route par la lucarne, Paul s'est sérieusement penché sur la carte. J'oublie de dire que par chance, tout ce qui était dans notre petit sac à dos est resté propre et sec, la carte est donc encore utilisable. Si nous continuons tout droit vers la Loire, nous sommes sûrs d'être attendus en route. Alors je vous propose un crochet. Nous allons partir vers l'ouest et franchir à nouveau la Devon. Cela va nous faire quelques kilomètres en plus, mais ça devrait les désorienter. Et avec ton crochet, il nous reste combien de kilomètres à faire encore ? Environ une trentaine, calcule Paul. Eh bien, il va falloir nous trouver une voiture, et je ne pense pas que mes pieds puissent encore faire tout ça sans une bonne cure de repos. Hier soir, il nous restait 35 bornes, et nous avions 24 heures pour les faire. Ce matin, il nous en reste 30, mais nous n'avons plus que 12 heures. Il va falloir changer de vitesse. Parce qu'avec une moyenne de 10 km par 24 heures, on franchira la Loire dans 3 jours. Et encore, à condition que Paul ne nous rajoute pas des détours et des traversées de la Devon pour éviter le plastron. Je suis d'accord avec Anne, il nous faut une voiture. Ou deux motos, ou quatre vélos, ou même un bus. Ce n'est pas le choix qui nous manque. Allez, en avant, nous trouverons bien quelque chose. Pour le moment, on ne s'est pas trop mal débrouillé. On a un peu de retard et une faim qui commence à nous tenailler l'estomac, mais on va se rattraper. Avec l'intuition de Paul, l'audace de Sylvie, la prudence et le courage d'Anne auxquels j'ajoute mon côté pragmatique, nous allons bien trouver un moyen, une idée. Comme à chaque fois depuis le début de cette cabale, les circonstances vont bien venir doper notre imagination pour nous sortir de toutes les situations. L'important est d'avoir confiance en son étoile. Renonçant à monter tout droit vers la ligne de crête, comme prévu initialement, nous empruntons la petite route goudronnée jusqu'au premier chemin qui monte dans les bois. Ensuite, suivant la carte, nous continuons à marcher. C'est assez dur. Nous avons toujours mal aux pieds et commençons à avoir vraiment faim. Pourtant, chacun fait un effort pour montrer une bonne humeur qu'il ne ressent pas forcément. Ceux qui ont encore des réserves d'humour n'hésitent pas à les sortir, c'est le moment. Tout est bon pour nous soutenir le moral. Pour compliquer la marche, nous devons être très prudents. Nous évitons autant que possible les routes et les passages à découvert. À un moment, Anne, qui marche à mes côtés, m'adresse la parole. « Merci de m'avoir soutenu pour la douche tout à l'heure. Il m'a semblé que tu aurais préféré être seule. C'est sûr, mais je n'aurais pas aimé avoir à me déshabiller devant Paul. Tu n'es pas à l'aise avec lui ? Si, mais je trouve qu'il joue un peu trop au chef et qu'il ne s'intéresse pas beaucoup à nous. » Il faut toujours que nous soyons au top pour que ses plans réussissent. Pour lui, il n'y a que le résultat qui compte. Avec toi, ce n'est pas pareil. Au bout de 2 heures de marche, je pourrais dire au bout de nos forces, nous approchons du petit village de Chani sur Devon. Nous allons devoir le contourner car il serait trop risqué de le traverser. Son pont sur la Devon, situé en plein village, est sûrement surveillé. Pour l'instant, en l'absence de chemin allant du bon côté, nous sommes obligés de marcher sur une petite route. Nous nous couchons dans le fossé chaque fois que nous entendons un bruit de moteur s'approcher. Pourtant, aucune jeep ne se montre, mais ses acrobaties nous cassent le rythme. Paul marche le premier, un œil sur la carte, l'autre aux aguets. Je le suis, et les filles font ce qu'elles peuvent pour nous suivre. Au bout d'une heure, nous marchons toujours, et j'entends les deux filles qui complotent à voix basse derrière moi. Encore un bruit de moteur derrière nous. Comme chaque fois, nous nous aplatissons dans l'herbe haute sans oser relever la tête. Mais le véhicule ralentit et s'arrête derrière nous. Alors, comme je ne reconnais pas le bruit caractéristique des jeeps, je prends le risque de jeter un regard derrière moi et je vois que les deux filles sont debout. Comme de simples touristes qui demandent leur chemin, elles s'approchent d'une petite voiture blanche pour parler au conducteur. Alors je comprends. Ces deux malines ont dû vérifier qu'il s'agissait bien d'une voiture civile et se sont relevées pour faire du stop. Et deux jolies filles au bord d'une route de campagne, même en treillis, ont toutes les chances de se faire prendre. Après discussion, le conducteur, qui ne s'attendait pas à ce que nous soyons quatre, nous fait monter. Sylvie, à côté du conducteur, enlève sa veste de treillis et la remplace par un t-shirt pioché dans le sac. André, notre chauffeur, jeune retraité bavard de la SNCF, se rend à Chani pour y acheter des cigarettes. Il accepte de faire un petit détour pour nous faire traverser le pont. L'aventure paraît l'amuser. Nous traversons la place ensoleillée du petit bourg. André donne des coups de klaxon pour saluer des connaissances à droite et à gauche, tout fier de se montrer en aussi bonne compagnie. Nous préférerions un peu plus de discrétion, mais tant pis, quand on fait autant de bruit, c'est qu'on n'a rien à cacher. À l'arrière, nous nous couchons sur la banquette pour être le moins visible possible. Sage précaution. À l'entrée du pont, une jeep est stationnée. Deux militaires assis sur le capot surveillent les véhicules qui traversent. En passant tout près d'eux, Sylvie sort la tête et leur adresse un salut effronté. « Salut, vous deux !» Au moins, commente-t-elle ensuite, ils n'ont pas eu l'idée de regarder ce qu'il y avait sur la banquette arrière. « Peut-être, mais tu as eu de la chance de ne pas tomber sur les deux à qui on a piqué la jeep. Nous aurions sûrement passé un sale quart d'heure. » André nous dépose 500 mètres plus loin. L'aventure lui a bien plu. Passer en fraude le pont de son village en compagnie de deux jolies filles, ça ne lui arrive pas tous les jours. Sitôt que la voiture a fait demi-tour, Paul déclare « Alors là, bravo les filles, c'est une excellente idée. Je n'y avais même pas pensé et vous nous avez fait gagner un temps fou. Encore bravo. » Dites les garçons, plutôt que de nous remercier avec des phrases style discours politique, vous feriez mieux nous embrasser, vous ne croyez pas ? Répond Sylvie. Alors, Paul et moi, nous nous appliquons à faire des bises bien appuyées sur les joues de nos deux stratèges pour les remercier de leur idée et de son heureuse exécution. « Ah, quand même !» hurle Sylvie en me désignant alors que j'embrasse Anne avec un certain plaisir. « Ça fait deux jours que ces deux-là rêvent de s'embrasser sans trop savoir comment s'y prendre. Ils avaient bien besoin d'un petit coup de pouce. » Anne rougit et moi-même, je suis un peu troublé. Je ne sais que répondre à Sylvie qui éclate de rire avec Paul. « Vous pouvez certainement faire mieux que ça, » reprend celle-ci en nous désignant. Je sais ce qu'elle attend. Je regarde Anne. Je sens son hésitation qui s'accorde à la mienne. Je sais qu'Anne est plutôt timide et je n'ai nulle envie de nous donner en spectacle, alors simplement je la serre très fort dans mes bras. Nous reprenons notre marche. Le moral est bien remonté, mais il fait très chaud. Le temps semble tourner à l'orage. Nos pieds sont en sang, nos jambes n'en peuvent plus et notre estomac est toujours aussi vide. Impossible de retenter le stop, car nous devons absolument éviter les routes. Nous sommes sur la dernière ligne droite avant la Loire qui nous attend à 18 km de là, d'après la carte et les calculs de Paul. 18 km, c'est 3 heures de marche quand on est en forme, mais la fatigue nous joue des tours et notre moyenne se ralentit régulièrement. Au bout d'une heure, exténués, nous faisons une énième pause à l'angle d'un grand pré où deux tracteurs s'activent à ramasser du foin. Il fait vraiment très chaud. On sent l'orage arriver. Déjà, de gros nuages noirs s'approchent et d'ici un moment, ils vont masquer le soleil. La botteleuse semble tourner à plein régime. Elle fait le maximum pour avaler tout ce foin et le recracher derrière elle en botte avant la pluie. Il lui reste encore une belle surface à ramasser. Le deuxième tracteur tire deux grosses remorques l'une derrière l'autre. Il vient sans doute d'arriver, car il n'a guère chargé qu'un rang de bottes sur la première remorque. L'homme qui charge les bottes travaille tout seul. Il monte sur le tracteur pour le faire avancer de quelques mètres. Il en descend et ramasse à la fourche les bottes les plus proches. Il les jette en vrac sur la remorque. Il monte ensuite pour les ranger. Puis, il doit redescendre et remonter au volant du tracteur pour avancer un peu plus loin. Abachi dans l'herbe du talus, à demi somnolent, nous contemplons la scène, redoutant le moment où il faudrait nous remettre sur nos jambes. Pourtant, je ne peux m'empêcher de plaindre ce pauvre gars, qui n'a aucune chance de ramasser toutes ses bottes avant l'orage. Sauf si on l'aide, et si on l'aide, il pourra peut-être nous mener jusqu'au-delà de la Loire. Immédiatement, j'en parle aux autres. Paul m'écoute avec un sourire, qui me fait comprendre qu'il était en train d'imaginer la même chose. Les filles sont d'accord, bien sûr. Nous nous levons tous les quatre, et dévalant le pré, nous nous approchons de l'homme qui charge ses bottes. En quelques mots, nous lui proposons le marché. Il n'hésite pas une seconde. Bien sûr, tout ce que vous voulez, si on arrive à ramasser tout ça avant le déluge. Vous n'auriez pas quelque chose à manger par hasard ? Demande Sylvie. Allez voir sous l'arbre là-bas. Nous attendions de l'aide et ma femme a dû prévoir quelque chose. Mais ne traînez pas, sinon ce ne sera plus la peine. Nous nous précipitons au pied d'un gros chêne et nous y trouvons un panier en osier recouvert d'un linge. Il y a là 3 litres de rouge, un saucisson et une miche de pain. Nous prenons alors le repas le plus rapide et le plus glouton de notre vie. N'ayant pas de couteau, nous déchirons 4 gros morceaux dans la boule de pain, mordons chacun notre tour dans le saucisson et arrosons le tout en vidant au goulot deux des trois bouteilles de vin. Paul nous encourage à boire. N'ayez pas peur, ça va nous redonner de l'énergie, et il va nous en falloir de l'énergie. Dans le même temps, nous quittons notre treillis pour nous remettre en tenue de plage. D'abord, il fait vraiment très chaud, et nous allons nous activer. Ensuite, inutile de se faire repérer bêtement par le plastron s'il lui prenait l'idée de passer par là. Sophie remet son maillot rouge de pièce trop petit. Anne reste avec ses sous-vêtements de couleur grise douteuse. La lessive à la ferme a été un peu bâclée. Je mets le short rouge, Paul reste en caleçon à fleurs et nous restons tous deux torse nus. Au bout de 3 minutes, nous sommes de retour au tracteur, changés, repus et un brin ivre. L'agriculteur, qui dit s'appeler Jean-Pierre, est un peu surpris de notre changement d'allure. Nous vous expliquerons après. Dites-nous comment nous pouvons vous aider. 2 minutes plus tard, chacun est à son poste. Anne conduit le tracteur à petite vitesse à travers les rangs de bottes. En fait, tout est réglé, elle n'a qu'à tourner le volant. Jean-Pierre, l'agriculteur, fait équipe avec Sylvie pour lui montrer comment ranger les bottes sur la remorque. Il faut que l'ensemble se tienne pour qu'on puisse monter les rangs le plus haut possible. Avec Paul, chacun d'un côté, nous ramassons les bottes à la fourche et les envoyons sur la remorque. C'est un travail fatigant, surtout à allure soutenue. Mais ce sont surtout les bras qui forcent et par chance, ce ne sont pas nos bras qui sont le plus fatigués. Un peu plus loin, la botteleuse tourne toujours à plein régime. À 5, le travail avance vite. Nous finissons la première remorque et le dernier rang est si haut que nous devons lancer les bottes du bout de la fourche pour que Jean-Pierre et Sylvie puissent les attraper en se penchant. Les bottes ne sont pas légères et la dépense en énergie est énorme. Le canon de rouge n'était pas de trop et la tête ne nous a pas tourné bien longtemps. Les nuages noirs ont maintenant pris possession du ciel. Le soleil a disparu. Nous sommes ruisselants de sueur. Après avoir recouvert le chargement d'une bâche, Jean-Pierre tend 2 grosses cordes pour arrimer le tout sur la remorque. Nous attaquons aussitôt le chargement de la seconde en appréciant de charger à une hauteur plus facile à atteindre. L'autre tracteur vient de finir de botteler. Une jeune femme d'une 40aine d'années vient nous rejoindre, une fourche à la main. Elle ne s'étonne pas de nous trouver si nombreux à charger, mais se met immédiatement à ramasser les bottes avec nous. L'orage commence à gronder. La luminosité baisse encore et quelques gouttes d'eau rafraîchissantes s'aplatissent sur nos dos surchauffés. Nous augmentons encore la cadence. Il ne reste plus que 4 rangs à ramasser, 2 passages. Il faut essayer d'en charger un maximum avant que l'averse commence. Enfin, il ne reste plus que 2 rangs. Anne fait demi-tour et s'engage entre les bottes. Le tonnerre gronde maintenant tout proche. Les éclairs sont bien visibles. Les premières gouttes sont devenues des grosses gouttes qui nous éclatent sur la tête et le dos en arrivant. Il reste peut-être 30 bottes à ramasser quand le ciel qui n'en peut plus de se retenir se lâche enfin. En quelques secondes, des torrents d'eau descendent. Jean-Pierre se précipite pour mettre la bâche et tout dégoulinant nous crie « Tant pis pour les 30 bottes qui restent. Glissez-vous sous la bâche. Cette remorque est chargée moins haute que l'autre. Je ne mettrai pas les cordes. » Paul court récupérer les treillis que nous avons laissés sous l'arbre et qui se retrouve encore une fois trempé. Il me rejoint avec Sylvie allongée bien au sec sur le foin, avec sur nous la bâche crépitante de pluie qui nous colle aux épaules. Anne est restée dans la cabine du tracteur avec les fermiers. Nous sentons le convoi s'ébranler. Nous sommes heureux. En effet, si Jean-Pierre tient ses promesses, il nous conduira directement au nord de la Loire, et nous aurons gagné la partie, nous serons au terme de notre raid, et nous aurons déjoué tous les pièges du plastron. Un quart d'heure plus tard, le balancement de la remorque s'arrête. Nous sommes arrivés dans la cour de la ferme. Nous descendons de notre perchoir. La pluie s'est un peu calmée. Jean-Pierre et sa femme nous font entrer dans la pièce commune de leur ferme. Les gros murs ont gardé la chaleur du jour, et comme nous sommes trempés et un peu refroidis, nous apprécions cette chaleur comme un vrai réconfort. « Bon, » fait Jean-Pierre, « on se présente. Voici Jacqueline, ma femme, qui, comme vous le voyez, partage les joies et les travaux pénibles de la ferme. » Il se tourne vers elle et l'applaudit. Nous applaudissons aussi. « Nous avons fait la connaissance d'Anne sur le chemin du retour, » dit Jacqueline avec un grand sourire. « Et vous, qui êtes-vous ? » ?»« Paul. » »« Christophe. » »« Et Sylvie. » Jean-Pierre reprend. « En tout cas, mille merci pour votre aide. Nous avons 2 jeunes voisins qui nous avaient promis de venir nous donner un coup de main. On ne les a pas vus. Sans vous, on perdait tout, ou presque. Vous savez que du foin camouillé, ça ne vaut plus grand-chose. Ça fait de la paille. Allez, arrête tes discours, Jean-Pierre, et occupons-nous de ces jeunes. D'abord, vous allez me donner tous vos vêtements mouillés, que je les étende. Jean-Pierre va nous faire du thé. Ça vous tente, du thé? Ensuite, vous pourrez prendre une douche. Un par un, parce que nous n'en avons qu'une. Et après, on se prépare à un bon dîner. Et pour finir, je vous conduirai où vous voulez aller, ajoute Jean-Pierre. Jean-Pierre part se changer, et Jacqueline nous distribue une grande serviette de bain à chacun. Nous enveloppant comme nous le pouvons avec cette serviette, nous commençons à suspendre tous nos habits trempés sur des fils tendus au plafond. Bien qu'elle soit la plus petite, Anne est la plus à l'aise car elle peut garder ses vêtements qui sont restés secs puisqu'elle n'est pas sortie de la cabine du tracteur. Sylvie, en s'étirant pour accrocher son petit maillot rouge, laisse glisser sa serviette et se retrouve toute nue. « Oh, pardon !» dit-elle en riant et en se baissant pour ramasser la serviette et s'en couvrir rapidement. Heureusement, les fermiers ne sont pas dans la pièce à ce moment, et cela nous fait bien rire. Au dîner, nous racontons notre aventure. « Vous allez pouvoir écrire un livre ?» commande Jacqueline, sidérée de tout ce qui nous est arrivé depuis 48 heures. « Je ne suis pas sûr que ça se vendrait, mais si on l'écrit, je vous assure que je vous en enverrai un exemplaire. » Le dîner est excellent, bien arrosé. Nous nous sentons bien. Nous récupérons nos treillis presque secs et Jacqueline insiste pour leur donner un coup de fer. « Je sais bien que vous n'allez pas défiler ce soir, mais au moins vous serez bien au sec. » Jean-Pierre, qui a bien compris les règles de notre raid, réfléchit. Puis il nous déclare « J'ai trouvé. Je vais vous emmener dans la citerne. J'ai une citerne sur roue de 3000 litres que j'amène aux bêtes dans les prés quand il n'y a pas d'eau sur place. Je ne m'en sers pas en ce moment et elle est vide. Sur le dessus, il y a un trou d'homme, au cas où il faudrait descendre dedans pour la nettoyer. » « Remarquez, moi, je n'y suis jamais descendu. Ça me rendrait claustrophobe. Vous vous cacherez dedans. Nous pourrons circuler et passer le pont tranquillement. Personne ne se doutera que je transporte un commando de dangereux terroristes. » Le repas terminé, nous restons assis autour de la table et nous avons beaucoup de mal à rester éveillés et à ne pas nous écrouler dessus. Un peu avant la tombée de la nuit, nous saluons Jacqueline et la remercions pour toutes ses attentions. Nous suivons Jean-Pierre jusque derrière la ferme. La pluie s'est arrêtée. Nous l'aidons à dételer la remorque de foin et à atteler la citerne derrière le tracteur. Ensuite, nous escaladons cet énorme tube sur roue et par le trou d'homme, nous nous introduisons dedans. Le passage n'est pas large. Anne se glisse la première, sans trop de peine. Sylvie coince un peu plus. Elle a les hanches plus larges. Encore heureux que je ne sois pas enceinte. Elle disparaît tout de même à l'intérieur. « Bon, à nous !» déclare Paul. Ce que c'est que d'être galant, toujours les femmes d'abord. Dans la cuve, officiellement vide, une mauvaise surprise nous attend. Il reste de l'eau, un petit fond d'eau, quelques litres à peine. Dans une aussi grosse citerne, même en la vidant Jean-Bien, il doit toujours rester un minimum d'eau. Jean-Pierre referme le couvercle en le bloquant avec une cale de bois pour laisser passer un peu d'air. Nous ne pouvons évidemment pas rester accroupis. À la moindre bosse, nous tomberions les uns sur les autres, car il n'y a rien pour se tenir dans ce gros tuyau. Nous nous asseyons donc, les fesses d'un côté, les pieds de l'autre, formant comme un pont au-dessus du petit reste d'eau. Le moteur du tracteur démarre et nous transmet ses trépidations. Paul allume sa lampe et nous nous regardons. Nous avons de drôles de têtes. Personne ne se sent bien rassuré dans ce tonneau ambulant. « Et s'il oubliait de nous ouvrir ?» demande Anne. « C'est parti. Quelle secousse ! Il n'y a pas de suspension et les pneus doivent être gonflés à bloc pour supporter l'énorme masse d'eau que l'on peut transporter dans cette citerne. Nous allons avoir les fesses pleines de bleu. Plus question de mettre des strings pendant un mois, se plaint Sylvie. Les quelques litres d'eau embarqués se déplacent en tous sens et giclent en cognant sur les parois dans tous les sens. En quelques minutes, nous sommes de nouveau trempés avec seulement un petit fond d'eau. Heureusement, elle est tiède. Nous pensons au fer à repasser de Jacqueline. Pour que vous soyez bien au sec. C'est un sous-marin Lambert, commande Paul. Un savant fou a mis de l'eau dedans et l'air autour. Cette croisière est un vrai supplice. Nous ne savons plus comment nous mettre pour amortir les secousses tout en essayant de nous cramponner. Mais comment se tenir à rien? Il n'y a aucune prise, pas la moindre poignée ni le moindre rebord. Toutes les parois sont parfaitement lisses. Tout à coup, il y a un coup de frein un peu sec. Nous glissons tous et nous nous retrouvons compactés contre la paroi avant. Il nous faut un bon moment pour nous dégager les uns des autres, surtout que les secousses continuent en tous sens. Il n'y a pas que l'inventeur qui est fou, le pilote aussi. Enfin, nous devons atteindre une route plus importante ou plus droite. Les mouvements sont moins durs. Dis-nous, Paul, on a combien de kilomètres à faire comme ça? Je ne sais pas où nous en sommes du trajet, mais depuis la ferme, je dirais une quinzaine de kilomètres. En plus des secousses et de l'impossibilité de se cramponner à quelque chose, le plus dur est de n'avoir aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Il n'y a pas un périscope sur les sous-marins en général? Oui, mais celui-ci n'est pas un sous-marin en général, c'est un sous-marin très particulier. Et nous continuons à nous faire secouer, à prendre des coups dans tous les sens, sans jamais savoir d'où viendra le prochain. C'est interminable. Ce qui me rassure, déclare Paul, c'est que personne n'a encore vomi. Imaginez si ce qui nous asperge toutes les 10 secondes n'était pas que de l'eau. Tais-toi, pas la peine de nous donner l'idée. Le supplice continue encore de longues minutes. Enfin, après quelques grosses secousses, plus rien ne bouge. Même les vibrations du moteur s'arrêtent. On entend des paroles, des cris, mais très assourdis et déformés. Alors, pour notre plus grand bonheur, le couvercle grince sur ses gonds. Il fait nuit noire. Un peu d'air frais pénètre et la tête de Jean-Pierre se penche vers nous. Vous êtes arrivés. Tout va bien? Un par un, nous nous extrayons de cette cocotte minute à roulette. Nous sommes encore trempés, mais soulagés. Jean-Pierre s'est garé à côté d'un camion militaire qui attendait sur le bord du fleuve. Presque immédiatement, une jeep arrive. C'est notre commandant qui vient assister à notre périlleuse arrivée. Alors les gars, tout s'est bien passé? Bravo en tout cas. Il est 22h12, vous êtes dans les temps. Quel est votre numéro de groupe? Groupe 5, mon commandant, répond Paul. Je suis sûr qu'il n'y a que Paul pour se souvenir de notre numéro de groupe. Le groupe 5. Vous êtes le seul à être passé entre les mailles du filet sans jamais vous faire prendre par le plastron. Ce ne serait pas vous, par hasard, qui aurez volé une jeep au bord de la Devon? Aïe, aïe, les ennuis commencent. Nous laissons volontiers Paul répondre à ce genre de questions. Pas volé, emprunté, mon commandant. Les gendarmes nous ont contactés. Vous leur avez donné du fil à retordre à eux aussi? Si vous le dites, mon commandant. C'est vrai, les gendarmes. Nous leur avons faussé compagnie. Ils ont dû nous trouver bien mal élevés. Ils n'ont certainement pas apprécié. La fatigue est telle qu'une engueulade ne nous ferait ni chaud ni froid. Nous nous attendons à tout. Mais le commandant conclut. Enfin, bravo les gars. Je vous félicite. Leur jeep, ils n'avaient qu'à mieux la surveiller. Et les gendarmes, qu'à faire sérieusement leur boulot. Vous avez su tirer parti des faiblesses de l'adversaire. C'est ce qu'il fallait faire. Le groupe 2 est arrivé vers 18h par le car, mais ils se sont fait coincer 2 fois par le plastron. Vous pouvez aller vous reposer dans le camion. Demain matin, retour à la caserne, vous me remettrez votre rapport dès que possible. À ce moment arrive une autre jeep, elle s'arrête juste à côté de nous. Une femme capitaine en descend. Quel groupe? Groupe 5, capitaine. Elle nous dévisage quelques secondes, puis s'adressant aux 2 filles. Perrin et Arinakova, montez dans la jeep. Cela nous fait comme un coup d'angoisse après tout ce que nous avons vécu ensemble. Allons-nous vraiment nous quitter comme ça? Anne me tend la main, je la prends entre les miennes. « Nous nous reverrons, » me chuchote-t-elle. Épilogue. Cela s'est passé il y a un peu plus de 2 ans. Assis devant ma table de travail dans la grande chambre d'amis de mes beaux-parents, je mets un point final à ce récit sur lequel je travaille depuis des jours. Il y a 3 mois, lors de mes fiançailles, nous nous sommes revus tous les 4. Nous n'avons bien sûr aucune photo de notre aventure, alors nous avons voulu en garder une trace écrite. Comme j'étais le seul que ce travail d'écriture n'effrayait pas trop, j'étais désigné volontaire. Pendant une soirée entière et une partie de la nuit, nous nous sommes racontés ces 48 heures si chargées d'action, de réflexion, de paroles et d'émotions. J'ai pris quelques notes pour compléter mes propres souvenirs, et voilà ce que j'ai pu écrire de plus fidèle et de plus complet, pour montrer à nos enfants et plus tard à nos petits-enfants ce dont nous avons été capables étant jeunes. Christophe Guillot, le 4 août 1978. Postscriptum. J'oublie de dire que seuls Sylvie et Paul ont continué leur carrière militaire. Moi, je dirige maintenant une petite agence de voyage et j'ai la grande joie de vous annoncer que je vais me marier dans une semaine. » Yann, alors ? Anne a aussi quitté l'armée et s'est lancée à fond dans des études de langue qui la passionnent. Elle a beaucoup voyagé et travaille dur. Tiens, quand on parle du loup, la voilà qui entre et s'approche de moi. Elle pose sa main sur mon épaule. Elle pose sa main sur mon épaule. Alors, mon chéri, enfin au bout ? Ainsi s'achève le raid d'évasion d'Olivier de Nance.